Bonsoir amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de cette édition. En voici l'essentiel. Le ministère de la Santé publique annonce la décentralisation de la centrale d'achat des médicaments essentiels Kamebou dans le souci de faciliter l'approvisionnement des médicaments des provinces de l'intérieur du pays. Vous entendrez le ministre dans cette édition. Et depuis ce lundi 4 octobre de la mise en application de la loi de la stabilisation permanente à Maro, ce qui n'est pas le cas à Tibitoke à l'ouest du pays où les éleveurs disent qu'ils ne sont pas prêts jusqu'à cette date. Et célébration ce lundi de la journée mondiale des aveugles, cette catégorie des Burundais dénonce la discrimination dont elle est victime et plaide pour un soutien. Voilà pour les titres et bienvenue pour les détails. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida annonce la décentralisation de la centrale d'achat des médicaments essentiels à Kamebou à Gitega et cela pour faciliter l'approvisionnement des médicaments à l'intérieur du pays, selon le ministre de la Santé publique, Dr Tadende Kumana. C'était ce lundi après la réunion d'évaluation sur les réalisations de l'an 2020-2021 avec les cadres du ministère de la Santé. Il ajoute également qu'il est prévu l'extension des hôpitaux et des centres de santé. Suivez-le. Le ministère de la Santé a soumis au gouvernement son plan stratégique 2021-2027 qui est en phase avec le PND. Le plan a été adopté. Dans son plan annuel, nous avons un plan d'investissement parce que la recommandation du gouvernement est que les responsables des hôpitaux puissent investir pour améliorer la qualité des soins, c'est-à-dire agrandir les salles d'attente, les salles d'hospitalisation, acheter le matériel adéquat. Alors, dans ce plan d'investissement, par rapport aux constructions des infrastructures, il est prévu à peu près 24 milliards pour étendre les différents hôpitaux et centres de santé. Et dans cette réunion, nous avions convié à cette réunion aussi de planification les responsables de l'Obuha, parce que c'est l'Obuha qui va assurer la construction des infrastructures sanitaires. Et nous nous réjouissons que l'Obuha ait été décentralisé au niveau provincial, et quitte à ce qu'on puisse donner les fonds à l'Obuha. Et parallèlement, et par rapport aux équipements sanitaires, c'est à la Kamebou de pouvoir disponibiliser et les médicaments et les équipements médicaux indispensables. Et cela permettra à ce qu'on puisse travailler en synergie et ainsi améliorer la qualité des prestations de notre population. Nous avons planifié l'approvisionnement en médicaments de qualité. L'année prochaine, nous voulons que la Kamebou soit installée aussi à Gitega parce que ça coûte cher de pouvoir approvisionner les provinces de l'est du centre du pays en provenance de Bujumbura. Mais aussi, nous avons vu ensemble que l'allocation des entrepôts à Gitega coûte moins cher qu'à Bujumbura. Le ministre Tade Ndikoumana promet également la construction du centre de dépistage du cancer et l'approvisionnement du vaccin de cancer du col de l'utérus. Encore une fois, suivez Dr Tade Ndikoumana. Parmi les actions concrètes qu'on va mettre en application l'année prochaine, il y a l'élaboration du plan directeur et de prévention et de lutte contre le cancer. Nous avons mis en place un comité national des experts des cancérologues burundais et qui travaillent jour et nuit pour pouvoir mettre sur pied et le plan de prévention, mais aussi le plan de construction du centre de prise en charge des cancers au Burundi. C'est un programme qui est avancé avec nos partenaires, que ce soit les partenaires de l'EAC, mais aussi l'OMS. Et nous espérons que l'année prochaine, on pourra avancer sur ce point. Parallèlement, nous avons des programmes de vaccination parce que le cancer aussi, il y a des programmes de prévention contre le cancer et un programme de prise en charge. Dans le programme de prévention, nous comptons aussi approvisionner des vaccins contre le cancer du col, mais aussi des vaccins contre l'hépatite B et C, qui, comme vous le savez aussi, quand l'hépatite virale dégénère en cancer du foie. Mais aussi, on pourra travailler avec le centre CMCK actuellement, grâce à l'appui du ministère de la Solidarité, prend en charge des cancers qui sont constatés surtout chez les enfants. Toujours page santé, les femmes et filles sont appelées à se faire dépister du cancer du col de l'utérus pour éviter la propagation de cette maladie. C'est un appel lancé ce lundi par Jocelyne Kanyang, responsable de la clinique de la BBF Elle l'a dit ce lundi lors de la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus. Poursuivons cette édition. Certains citadins craignent de nouveau des dégâts avec la saison pluvieuse qui pointe à l'horizon à cause du manque d'une digue empêchant la montée des eaux du lac Tanganyika. Il demande au ministère chargé des infrastructures de tout faire pour construire cette digue pour protéger les infrastructures publiques. Le point avec Jean-Marie Mayong. Arrivé au bord du lac Tanganyika, à partir de la pirogue jusqu'à la station de pompage de la régie des eaux en face de l'hôtel Tanganyika, on y trouve de grosses pierres qui sont entassées au bord du lac Tanganyika pour la protection de la route. Ceux qui aiment passer du temps au bord du lac disent que le retard dans la construction d'une digue pour protéger les infrastructures contre la montée des eaux du lac peut entraîner des dégâts si la pluie arrive. Les dégâts qu'il est en train de causer, quand les eaux commencent à monter, il va détruire les routes, les infrastructures qui se trouvent au bord du lac Tanganyika. La montée des eaux du lac Tanganyika cause beaucoup de dégâts en détruisant les routes, les infrastructures, sans oublier l'environnement. Il demande au ministère des infrastructures de tout faire pour construire la digue et propose de construire la digue en double béton. Nous demandons au gouvernement de faire tous les moyens possibles de construire le mur pour protéger les extrémités de la route, de faire tous les moyens possibles pour que ce mur soit construit. Il faudrait construire un mur en double béton qui bloquerait ces eaux du lac Tanganyika une fois qu'elles montent encore. La construction de cette digue au bord du lac Tanganyika aidera dans la protection des infrastructures riveraines de ce lac. Merci Jean-Marie Mayonga. Depuis ce lundi 4 octobre de la mise en application de la loi de la stabilisation permanente en province Ngaro, les éleveurs ont gardé leur bétail à l'étable. Ils disent qu'ils nourrissent leurs bêtes avec du fourrage tiré de leurs champs. Certains d'entre eux disent que la délimitation des zones de pâturage en paddock exigeait beaucoup de moyens. Cela étant, certains éleveurs de la province Chibito, que nous sommes à l'ouest du pays, indiquent que le délai de la mise en application de la stabilisation permanente arrive alors qu'ils ne sont pas prêts. Ceux qui sont exprimés au micro de la radio Isanganiro disent que leurs vaches vont mourir de faim. Ils demandent à l'État de rendre disponibles les espaces réservés pour l'élevage. On les écoute. Nos vaches sont enfermées car nous n'avons pas de gros espaces. Nous ne voyons pas quoi faire. Nous sommes vraiment malheureux. Je ne sais pas quoi dire ou faire. Les vaches qui nous aidaient vont mourir. Une fois mortes, qu'est-ce que nous allons faire? Ces vaches nous aidaient vraiment. Nous avons mal accueilli l'échéance de ce délai. Quand tu veux que quelqu'un te rende des services, tu lui avertis. C'était nécessaire, il nous aurait donné le délai pour qu'on puisse planter le tripsacum. Et voilà, le délai s'expire alors que nous ne sommes pas prêts, nous ne savons pas quoi faire. Ces vaches peuvent mourir de faim, car une vache qui était habituée à aller prouter ne ressemblait pas à une vache qui vit dans un enclos. Nous avons peur. Une fois que nos vaches sortent de l'enclos, elles seront attrapées et elles sont enfermées dans les enclos. Nous sommes dans l'eau bouillante. Nous n'avons pas où amener nos vaches. Comment peut-on prendre 5 vaches qui étaient habituées à les brouter et les mettre dans un enclos? Comment on va les nourrir? Les gens de Gasenyi, Mugina, Buganda, Rugombo, tous se rencontrent ici à Gatoki. Comment allons-nous gérer cette question? Moi, je demanderais que cette commune Rugombo soit réservée à l'élevage et que toutes les vaches vivent dans la plaine de la Rusizi. C'est une grande étendue. Mombasa, Miduha, tous ces endroits abritaient beaucoup de vaches, mais les eaux survécu. Nous demandons que le délai soit prolongé pour cultiver des tripsacum et que l'État, qui connaît les races améliorées, nous amène ces vaches. À 18h11, poursuivons cette édition. Certains habitants du quartier Guihosha dans la municipalité de Bujumbura demandent aux employés de la régie des eaux de remplir les fossés creusés à la fin des travaux. C'est au moment où ce samedi, un enfant est mort noyé dans un fossé creusé par les agents de la régie des eaux, tandis que des autres ont pu être sauvés. Ils souhaitent qu'il y ait des signaux quand les travaux sont en cours et que quand les travaux sont terminés, de boucher ces fossés. Le point avec Arthur Kababouche. Cet enfant qui est mort ce samedi au quartier Guihosha rural, asphyxié dans un fossé, était avec deux autres, comme cette dame l'indique. Les enfants étaient en train de jouer et comme ce fossé n'était pas visible, alors qu'il était profond, trois enfants sont tombés dedans. Les deux ont été retirés de ce fossé et ils ont dit qu'il y a un autre qui reste dans ce fossé. Ces fossés leur causent des problèmes car comme ce sont de petits enfants, ils leur échappent et quand ils laissent ces fossés sans les boucher et sans y mettre des signaux puisque les travaux restent en cours, l'enfant y va et tombe dedans. Ils demandent aux agents de la régie des eaux qu'on y mette des signaux au moment où les travaux ne sont pas achevés. Nous demandons aux agents de la régie des eaux de mettre un signal montrant qu'il n'y a pas de passage pour protéger les gens et les enfants. Ces fossés creusés par les employés de la régie des eaux, quand ils effectuent des travaux, ils les laissent sans les boucher un peu partout. Merci Arthur Kababushi. Des Burundais et Congolais opérant en commune Kabezi dans la construction d'un bateau de 68 mètres de long sur les rives du lac Tanganyika disent être satisfaits par le travail exécuté. Pogno Baruti Mathieu, contre-maître à ce chantier dont la première poutre a été posée en juin de cette année, fait savoir qu'ils n'ont pas de difficultés d'approvisionnement du matériel. Il appelle les investisseurs burundais à exploiter le corridor central moins cher par rapport au réseau routier. Le point avec Mireille Kanyang. Sur les rives du lac Tanganyika, à 21 km de Bujumbura, en commune Kabezi, sur la route nationale numéro 3, Bujumbura-Rumonge, à sa droite, l'on aperçoit un grand bateau, la peinture rouge dominante, un portail rouge pour y accéder. 25 employés sur ce chantier, 14 Burundais et 11 Congolais. Chance Kassali est soudeur, il salue le travail et la collaboration avec les Burundais. Hapa, tunafanya kazi yenye. Ici, nous faisons ce que nous maîtrisons, même à l'œil nu, vous voyez que nous ne tâtonnons pas. Nous faisons du travail qui demande de la force et qui est notre passion. Nous avons exercé le même travail il y a longtemps. Ce n'est pas le premier bateau que nous construisons. Nous avons construit un bateau pareil au lac Kivu. Ici, ce n'est pas notre première fois. Richard Ndikumana, lui, est originaire de Kabezi, non loin du chantier. Il plaide pour une augmentation d'armateurs. Seule femme à ce chantier, Cynthia Ndachaisaba s'occupe de la cuisine. Pour elle, l'important, c'est son salaire. Je suis venue ici pour aider à préparer le repas. Ce sont des gens comme moi et quand on cherche du travail, on n'a pas de choix. Actuellement, il est difficile de trouver du travail, qu'on soit dame ou fille. Ce qui est important, c'est qu'on ait de quoi nourrir la famille. Premier bateau d'un Burundais et sur le sol burundais. Le nôtre est de 68 sur 12 mètres de largeur et de creux de côté de 4,50 m. Il servira de transport des marchandises pesant entre 1500 et 1800 tonnes, dit Pogno Baruti Mathieu, contre-maître à ce chantier. C'est un transport avec moins d'accidents et moins cher. C'est un transport qui n'a pas d'ailleurs beaucoup d'accidents. Avec un bateau pareil qui puisse prendre plus de 50 camions Actros pour une seule course. Mais avec 50 Actros, vous voyez les dépenses de carburant, ainsi de suite. Mais avec ce bateau qui prendra plus de 50 Actros en une seule course, là vous voyez que c'est bon pour le transport Lacus. Les travaux de construction de ce bateau ont débuté au mois de juin de cette année et se terminent en avril de l'an prochain. Merci Mireille Kanyange. Les discriminations en famille à l'école font partie des défis que rencontrent les aveugles et les malvoyants. C'est ce que révèlent ces derniers et leurs encadreurs au sein de la Fondation Ouiraguié ce 4 octobre lors de la célébration de la journée internationale dédiée aux aveugles et aux malvoyants. Ils demandent le soutien de la part de tous les concernés. Les élèves rapatriés à Busoni de la province Kirundo en provenance du Rwanda sont obligés de reculer de classe pour être réintégrés. La raison sur laquelle ils convergent avec les acteurs de l'éducation en commune Busoni est que les cours dans le système éducatif burundais sont dispensés en kirundais et en français, tandis que le Rwanda utilise l'anglais et la langue rwandaise comme langue d'enseignement. Ils demandent aux bienfaiteurs de contribuer dans le renforcement des capacités de ces jeunes. Le point avec Eline Bell Nibigir. Certains sont du primaire à l'école fondamentale, tandis que d'autres sont du secondaire post-fondamental. À l'Ekofo Nyamugeni, par exemple, il y a des écoliers rapatriés. Célestin Sengiyumba, maître responsable à cet établissement scolaire, trouve que c'est difficile de suivre ses élèves, mais il demande aux éducateurs de les traiter au même pied que les élèves résidents. Même au post-fondamental, il y a des élèves rapatriés du Rwanda. C'est comme Sandrine Iranghunda qui a été obligée de reculer d'une classe suite aux difficultés en français en Kirundi. Je suis arrivée au Burundi en janvier 2021. Au Rwanda, j'étais en 9e année, mais arrivée au Burundi, j'ai occupé la 8e année. Au Burundi, j'étudiais en français, mais au Rwanda, c'était l'anglais. Je ne m'étais pas habituée à parler le français, alors je ne pouvais pas réussir au concours de la 9e année. Gumbriyan Habonimana est rentré l'année passée. Lors de son intégration à l'école au Burundi et après avoir reculé de deux classes, il a éprouvé toujours des difficultés, mais aujourd'hui, il témoigne qu'il avance bien. À part les rapatriés de l'école fondamentale qui sont obligés de saisir le ministère en charge de l'éducation, le directeur de l'enseignement en commune, Busoni, reconnaît que les élèves rapatriés éprouvent des difficultés. Il demande aux intervenants dans ce secteur de s'impliquer afin de renforcer les capacités chez ces élèves. Les difficultés rencontrées, c'est que les élèves en province de Tanzanie, ça va. Pourquoi ? Parce qu'en Tanzanie, dans le cadre de réfugiés, on enseigne dans le système burundais. Mais au Rwanda, c'est dans le système rwandais. Arrivé ici, ils ne maîtrisent pas bien le kirundi, le français. Mais il y a des organisations, des partenaires qui nous aident pour renforcer le français et kirundi. La commune Busoni de la province de Kirundo est seule à déjà accueilli plus de 1500 élèves rapatriés en provenance du Rwanda voisin. Radio Isanganiro, chronique sport. Le match de badminton est arbitré par un arbitre central assisté par quatre juges de ligne qui suivent de près le déroulement du match à l'extérieur du terrain. Nicolas Bikorimana, directeur technique national au sein de la Fédération burundaise de badminton, fait savoir que ces arbitres donnent des points en se référant sur le règlement de la Fédération internationale de badminton. Les détails avec Marie-Claire Kazenez. Un match de badminton est arbitré par un arbitre central assisté par les juges de ligne qui suivent de près le déroulement des compétitions à l'extérieur du terrain. Explication de Nicolas Bikorimana, directeur national technique au sein de la Fédération burundaise de badminton. Comme dans d'autres disciplines, le badminton également a des arbitres. Nous avons un arbitre, je dirais, principal et nous avons les juges de ligne qui aident l'arbitre à pouvoir prendre une décision. Alors, s'il est du côté de l'arbitre, là, l'arbitre peut décider que soit le vora a été à l'extérieur ou bien que le vora est à l'intérieur du terrain. Même si le juge arbitre juge que ça a été à l'extérieur et que l'arbitre a vu que c'était à l'intérieur, là, il peut décider. Il ajoute qu'un arbitre central est guidé par un juge de ligne tout en précisant qu'un badiste a le droit de réclamer lorsqu'il est insatisfait de la décision prise par les arbitres. Ce que le juge lui montre, c'est ce qu'il doit considérer. Mais des fois, un joueur, un badiste peut réclamer. Quand il réclame, là, dans des pays qui sont développés, comme vous le voyez même au football, lorsqu'il y a une compétition, c'est-à-dire qu'on a des caméras qui suivent ce qui se fait, l'arbitre arrête le jeu et appelle celui qui est en train de suivre avec les appareils. On revoit quand le voilà à tomber. Si on trouve que ce que le juge a décidé est contraire à ce qui devrait se faire, c'est-à-dire que alors le juge valide le point au badiste qui a réclamé. Mais quand il réclame et que ça n'a pas d'issue, donc le jeu continue. Et aussi, le badiste a trois chances de faire des réclamations. Si il apprécie mal et que les trois fois qu'il a réclamé n'a pas été à sa faveur, même si quatrième fois il aurait pu avoir la faveur, il n'aura pas le droit de réclamer. On a voulu qu'on ne puisse pas réclamer à tout moment, ça risquerait que le match ne puisse pas se terminer. Selon son directeur national technique au sein de la Fédération burundaise de badminton, les arbitres proclament le gagnant de la compétition après avoir totalisé tous les résultats de la rencontre. Pour donner des points aux badistes, c'est-à-dire qu'on totalise les points des 7 qu'ils ont gagnés, suivant les compétitions, on additionne. Mais lorsqu'il s'agit d'opprimer, c'est-à-dire qu'on fait rencontrer deux, celui qui a gagné les deux 7, celui qui avance jusqu'à avoir le premier. Nicolas Bikolimana explique que les arbitres burundais de badminton affichent un bon comportement du fait qu'ils sont souvent appelés à arbitrer les compétitions régionales. Merci Marie-Claire Kazeneza et à Nicolas Bikolimana, directeur technique national de la Fédération burundaise de badminton. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci Alphonse Kouigmana pour la mise en onde. Au revoir.